Salut à toutes et toutes, la tribu, bienvenue dans la 59e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, la tribu, c'est Spike et je suis ravi pour retrouver pour une nouvelle émission. Cette semaine, c'est la 59e et je suis ravi que vous soyez là. Je tenais à vous remercier pour vos gentils messages et dédicaces que vous m'avez laissés la semaine dernière. Ça fait énormément plaisir. On commencera tout de suite avec Overcome de Marie-Antoinette. C'est sur leur EP5 titre de Second Wave, sorti le 28 mars 2017. On retrouve Big Fat Lie, Ein Klein Nacht Music, une petite musique de nuit, Out of My Mind et Today Your Love et Overcome. Ils sont de Nice, on les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera une nouveauté et même une exclusivité, c'est Drugs Are Sins de Schulz. C'est sur l'album Shot of Pain qui sortira le 6 mai 2019. Ah oui, on a le temps, hein. Des nouvelles bientôt. Ils préparent un clip, on les retrouve sur Facebook, YouTube et sûrement bientôt sur toutes les plateformes. On écoutera ensuite Father East of Jack de Burning Spear. C'est sur l'album Garvey's Ghost, son quatrième album, sorti le 23 avril 1976. On retrouve The Ghost, 200 Years, et Brain Food. Alors en fait, c'est la version dub du troisième album, Marcus Garvey. On écoutera ensuite Like a Poison, le nouveau Monolith, c'est sur l'album A Bitter End, A Brave New World, sorti le 25 septembre 2018. On retrouve Diego Disaster, Display Imitation of Guilt et Reawake. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. Et on finira ce bloc en live avec Saxon et Never Surrender. C'est sur l'album Denim and Leather, leur quatrième album sorti le 5 octobre 1981. On retrouve Princess of the Night, Out of Control et Fire in the Sky, du son classique. You turn into consuming priest. Yeah.

Vampire Frix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. We'll be right back. How's everybody feeling tonight then? Good! It's good to be back with our friends in Glasgow. This one's a song from the Denim and Leather album. We're gonna feature this song a little bit tonight, okay? This one's called Never Surrender! Ça arrache le bitume d'entrée de jeu. Vous êtes toujours dans la 139e Bumper Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Overcome de Marie-Antoinette, Drugs Are Sins, la nouveauté et l'exclusivité de Schultz. Ils sont de Nice aussi, Schultz. On a eu ensuite Further East of Jack de Bernie Spear, Like a Poison, le nouveau Monolith, et on a fini ce bloc en live avec Never Surrender de Saxon. On continuera cette émission avec Too Many Friends de Placebo, c'est sur l'album Loud Like Love, leur 7e album sorti le 16 septembre 2013. On retrouve Scene of the Crime, Rob the Bank et Loud Like Love. On écoutera ensuite Hearts and Hearts de Beton Todd, c'est sur l'album Revolution, sorti le 13 janvier 2017. On retrouve Kesmich, Fright, Other Todd et Freund. Ils sont sur Rising Empire Nuclear Blast. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Ladies and Gentlemen, This is the Let's Go Tonight de Butch Walker, c'est sur l'album The Rise and Fall of Butch Walker. Bushwalker, pardon, and the Let's Go Out Tonight. C'est un petit clin d'œil à The Rise and Fall of Ziggy Stardust et des Spiders from Mars. Il est sorti le 11 juillet 2006. On retrouve Hot Girls in Good Moods, We All Going Down et Rich People Die Unhappy. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes. On écoutera une exclusivité et même une nouveauté de Starrets. C'est sur, le titre c'est Silver Snake, l'album il s'appelle From Lead to Gold, il est sorti le 1er novembre 2019, on retrouve Smell of Fire, You Can't Deny et She's Coming Around, ils sont chez Kebra Records et on les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques et on finira ce bloc en live avec The Way It Is de Lucky Dube, c'est aussi le titre de cet album sorti le 28 mai 1993, on retrouve Crying Games, Man in the City et Rolling Stone. My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away on the Champs-Élysées as I was walking home. This is my last communique down the superhighway. All that I have left to say in a single tome, I got too many friends, too many people that I'll never meet and I'll never be there for. I'll never be there for, 'cause I'll never be there. If I could give it all away, would it come back to me someday? Like a needle in the hay or an expensive stone. But I got a reason to declaim, the applications are to blame for all my sorrow and my pain of feeling so alone. I got too many friends, too many people. Stürmische Zeit, du bist die Festung. Wir stehen immer zu zweit. Du bist viel härter als jede Straße der Welt. Du lässt mich fliehen, bist alles, was zählt. Du bist mir wichtig, es ist wichtig, dass du weißt, ich stehe an deiner Seite. Auch wenn das Schicksal uns verflucht, ich habe dich gefunden, hab so lange nach dir gesucht. Auch wenn es Tränen regnet, das Glück doch manchmal schmerzt, ganz egal, Seite an Seite, Herz an Herz. Fällt meine Deckung und schlägt das Nebel auf mich ein, stehst du an meiner Seite, wir kämpfen niemals allein. Du bist das, was mich am Leben hält, da wo du bist, ist mein Mittelpunkt der Welt. Du bist mir wichtig, es ist wichtig, dass du weißt, ich stehe an deiner Seite. Auch wenn das Schicksal uns verflucht, ich habe dich gefunden, hab so lang nach dir gesucht. Auch wenn es Tränen regnet, das Glück doch manchmal schmerzt, ganz egal, Seite an Seite, Herz an Herz. Sekunde, mit dir war es wert. Auch wenn bestimmt nicht alles richtig war, ich würde den Weg noch einmal gehen. Nichts war verkehrt. Ich stehe an deiner Seite, auch wenn das Schicksal uns verflucht. Ich habe dich gefunden, hab so lange nach gesucht. Auch wenn es Tränen regnet, das Glück doch manchmal schmerzt, ganz egal, Seite an Seite, ich stehe an deiner Seite. Auch wenn das Schicksal uns verflucht, ich habe dich gefunden, hab so lang nach dir gesucht. Auch wenn es Tränen regnet, das Glück doch manchmal schmerzt, ganz egal, Seite an Seite, Herz an Herz. Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Even jive, I better be cool. Dry, I better be good. Better be good. My voice. Holy Mocha, Uganda. Vous êtes toujours dans la 139e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Too Many Friends de Placebo, Hearts and Hearts de Beton Todd, Ladies and Gentlemen de Let's Go Out Tonight de Butch Walker. On a eu ensuite la nouveauté et l'exclusivité de Silver Snake de Starrets et on a fini ce bloc en live avec The Way It Is de Lucky Dube. On continuera cette émission avec Inside, le nouveau Over Nemesis, c'est sur l'album Wink, sorti le 31 août 2018. On retrouve Across the Star, She Become Calypso et Tears. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite 3MC sur la version de Massilia. C'est sur l'album Massilia, qui est sorti le 21 octobre 2014. On retrouve Sileva et la Maïla Conson, Massilia Number One et Parla Fort. 30 ans qu'ils sont là et toujours en tournée. On écoutera ensuite Bad Country de Avenged Sevenfold, c'est sur l'album City of Evil, leur troisième album sorti le 6 juin 2005. On retrouve Beast and the Orlot, The Wicked End et Betrayed, un classique du heavy metal. On écoutera ensuite One Lotta Love de Led Zeppelin, c'est sur l'album Led Zeppelin 2 sorti le 22 octobre 1969. On retrouve The Lemon Sound, Earthbreaker et Moby Dick, du gros son. Et on finira ce bloc en live avec 7 millions de monnaies de Suicidal Tendencies. C'est sur l'album Lights, Camera, Revolution, leur cinquième album sorti le 3 juillet 1990. On retrouve Lost Again, Get Wicked et Give It Revolution. It's not always in the present that we find the answer of all our questions, but all the time in the past, all the time in our minds, look at the bottom of your soul. take your pen and write down on paper what you call my pain. I saw the arrows all the same. Now I like to change it, but it's too late. It's too late. Fais-le son des collègues, fais-le le son des collègues, fais-le le son des collègues, c'est le son des collègues qui te colle au plafond. Joue, écoute le ridim, joue, écoute le ridim, joue, écoute le ridim et sans modération. Fais ma cilia qui s'anime, fais ma cilia qui s'anime, fais ma cilia qui crame la session. Cha-la-la-la-la-la-la, trois MC dans ma cilia. Cha-la-la-la-la-la-la, trois raisons d'être fracas. Trois raisons d'être en action, trois fanoli en mission, trois ragas pour un sillon, et tout ça sans concession. Trois MC sur la version, ça fait monter la pression. Pongez au fait attention, c'est chaud, c'est facile, ça fait péter les plombs. Trois MC sur la version, ça fait monter la pression. Pongez au fait attention, c'est chaud, c'est facile, ça fait péter les plombs. moment irréversible, une force invisible, une envie irrépressible de danser sans faire de toi. Cette soif inextinguible, cette puissance terrible, cette force invincible, tu la sens à chaque fois car c'est Massilia, Massilia, que tu vas à bout les gars. Massilia, Massilia, que tu vas à Pantaya. Massilia, Massilia, que tu vas dans ça. Massilia, Massilia, que tu vas à Canta. Robin de psyle va te rentrer dans la tête. Tu verras quand ta ville dort, tu feras la fête. De toute façon, tu danses pas, je te guente. Au microphone, je connais toutes les feintes. En improvisation, voilà ma position. Celui qui saute pas, c'est un pibro. Starting to get in a trap. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Down inside. take it. You gotta rise up like a motherfucker. Take it on home. Night. Karen. Got us on the set. Jay Foley. 3, 2, 1, action. Welcome to the Church of Suicidal. Well, now I'm swimming at it. What a fucking sodom. Before we go on, there's something I must mention. A poor message I must bring to your attention. I was in meditation and prayer last night. I was walking, shining bright light. Overhead, the glorious vid. Gave you a message, y'all need to hear. Send me your lightning. You hear what he said? Send me. A dollar or two. There ain't a hell of a lot I can promise to you. But if you want to see heaven's door, they gotta check the family before it's over. Send me your lightning. You hear what I said? Send me your lightning. Now give me some breath. Don't sound so silent! For what? For what? For all you fucking sinners! Now give me more faith! Oh, that shit was fucking! Now take it on home! Brother Clark! Send me your mind. Another cat hiding behind a collar. His only God is the almighty dollar. He ain't no prophet, he ain't no healer. He's just a two-bit goddamn money stealer. Send it, you gotta send it. Send me your money. You hear what I'm saying? Send it, your money. Now how much you give is your own choice. But it is a difference between the close and the Rolls Royce. I want you to make it happen, you dig into your pocket. It makes it feel so good to watch from Papa talking. Now dig it deep, dig real deep into your pocket. I want you to make it high. We'll take cash, we'll take checks, we'll take credit card. Take them all with debt till they got gold in it. So, who's gonna be the new king of the bakers? Who's gonna take the place here with Tammy Bay Baker? See, my mama, she didn't raise no fool. Cause you can't put a price on a miracle. Vous êtes toujours dans la 139e Vampire Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Inside, le nouveau Honover Nemesis, 3 MC sur la version de Massilia, Bad Country de Avenged Sevenfold. On a eu ensuite Wall of Love de Led Zeppelin, ah ça fait du bien un bon petit Led Zepp. Et on a fini ce bloc en live avec Set Me Your Money de Suicidal Tendencies. On écoutera ça ensuite Je viens d'ici de Jean Bomber. C'est sur leur premier EP sorti en 2011. C'est rien, c'est normal. C'est un EP 5 titres. On retrouve Je viens d'ici, Liberté, Sidonie, L'homme de l'ombre et Suis-moi. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une nouveauté, même une exclusivité, I Threw Up de Intox Leader. C'est sur leur premier EP, I'm Not a Sheep, qui vient de sortir. On retrouve Derision, I Threw Up, Punk Rock, On en a assez. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes. Et je tenais à remercier Brass pour ce super petit EP. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Starship de Kellner. C'est le premier single d'un album à paraître début 2019. Des nouvelles très vite. On les retrouve sur Facebook, YouTube et j'espère bientôt sur les plateformes. Et on écoutera ensuite Un pas en avant de J'aurais voulu, c'est sur l'album Partir sans dire adieu, sorti le 4 novembre 2013. On retrouve Une pensée pour les miens et Paranoïa urbaine notamment. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec It's My Body de Alice Cooper. C'est sur son live de 77 de Alice Cooper Show, sorti le 1er décembre. On retrouve Under My Wheels, You and Me, School's Out, du bon son culte. Thank you. dans le pays de la pluie. La sincérité d'un berbère dans un monde fait d'hypocrisie. Je porte le sang de la misère, bien que je sois né ici. Comprends, j'ai le sourire d'un joker, bien que ce soit la crise ici. Moi je reste cool, pépère, en criant Dieu merci. Ouais, je me contente de peu, car j'ai toujours vécu ainsi. Je suis de ceux qui bénéficient d'une éducation qu'affrit. Le sens du partage, je l'ai appris, sans rien attendre d'autrui. Le sens du partage, je l'ai appris, sans rien attendre d'autrui. Je viens d'ici et de là-bas. J'ai la chance de choisir entre dîner et j'aime là-bas. Je viens d'ici et de là-bas. J'ai la chance de choisir entre dîner. L'image de l'hexagone, un arc-en-ciel dans les gènes, blanc, beurre, black, jaune. Je porte l'histoire des indigènes, l'histoire des droits de l'homme. Une culture franco-africaine inculquée depuis maman. Moi je parle la langue de Molière, la langue de ma mère. J'ai la chance de choisir, alors c'est vos manières. J'ai la chance de choisir, alors c'est vos manières. Je viens d'ici et de là-bas. J'ai la chance de choisir entre dîner et j'aime là-bas. Je viens d'ici et de là-bas. J'ai la chance de choisir entre dîner et j'aime là-bas. Now I'm drifting astray. My soul's as dark and deep as any endless hole in the unknown universe. The brightest star leaves the darkest hole, like my baby left me cursed. She left me cursed. I'm in a cockpit, I've got a map, but no way. I've got Discovery Channel through my windows. Everything else is grey as steel. The nearest stars are 100 million miles away, and I'm the sight of the earth. At least the brightest star is blinking to me. Oh yeah, for what it's worth. Singing, hey brother, hey, follow me, follow me. Oh brother, brother, where all the starships you see when we get here? I'm in a starship, I'm on a fire ship. Shining on the star is you. You're singing, hey brother, hey, follow me, follow me. Oh brother, brother, where all the starships you see when we get here? Far from grace, lost in outer space, the universe is shine. Campeur Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Qu'est-ce que c'est bon, Alice Cooper en live. Vous êtes toujours dans la 139e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Je viens d'ici, des Jambon Beurre, I Flew Up, le nouveau et même l'exclusivité de Intox Leader. On a eu Starship, de le nouveau Kellner. J'ai oublié de le dire, ils sont suédois, Kellner. Ouais, Vampire Freak s'exporte. On a eu un pont d'avant de J'aurais voulu et on a fini avec Is It My Body de Alice Cooper. On continuera cette émission avec The Prince de Madness, c'est sur l'album One Step Beyond, sorti le 19 octobre 1979. On retrouve Nightbot, Kukero, Tarzan Nuts, In the Middle of the Night. On le présente plus celui-là. On écoutera ensuite Noirceur, le nouveau de titre de Force Majeure, c'est sur leur démo cassette, 4 titres. Qui s'appelle Force Majeure. On retrouve Né pour un petit pain, Noirceur, Banlieue Grise et Guerre Civile. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Je fume plus de shit de Stupéflip. C'est sur l'album Stupéflip sorti en 2003. On retrouve Stupéflip, l'épouvantable épouvantail, à bas la hiérarchie. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On ira un petit peu de douceur de saxophone, song de Kate Bush. C'est sur l'album de Kick Inside, sorti le 17 février 1978. On retrouve son grand titre Wuthering Heights, Them Heavy People et The Kick Inside, une immense artiste. Et on finira cette émission, et oui, ça se termine, en live avec Comme un Punk en hiver des Vampires, parce que moi je me gèle les noix comme un punk en hiver. Et j'ai la poisse aussi comme un punk en hiver. Donc c'est sur Never Trust Live, c'est le Best of Live sorti le 6 janvier 2004. On retrouve le Télégramme de Brest, J'ai avalé une mousse et Manu Chao. Pasta. He saw the heat with a rock steady beat. An earthquake is erupting, but not in Orange Street. A ghost sense is preparing. You gotta help us with your feet. If you're not in the mood to dance, step back, grab yourself a seat. This may not be uptown Jamaica, but we promise you a treat. Don't pass it on me over with your bungle stance. Shuffle me off my feet. Even if I kept on running, I'd never get to Orange Street. No, there's nothing left to say for the man who set the beat. So I leave it up to you out there to get him back on his feet. Yeah. Even if I kept on running, I'd never get to Orange Street. Salut. Sans me poser trop de questions. Depuis que j'ai arrêté les joints, je me sens moins con, je me sens léger. Comme un albatros. Fini les recherches à quatre pattes. Thank you. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Sacré Didier. On vient de s'écouter The Prince de Madness en live, Noirceur de nouveau Force Majeure, Swim Put Shit de Stupéflip. On a eu ensuite Saxophone Song de Kate Bush et on a fini ce bloc avec Common Punk en hiver. Ouais, yeah, yeah. Cette 139e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. La semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite. Surtout n'oubliez pas, si vous êtes un groupe, contactez-moi. D'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait Kellner. D'ailleurs je remercie leur attaché de presse en France. On finira cette émission avec les beaux dimanches de Amadou et Mariam. C'est l'album Les Dimanches à Bamako, sorti le 2 août 2004. On retrouve Mbifei, Koulibaly et Taxi Bamako. Et cet album a été produit par Man Chao. À la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu. C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les foulées et les djellis sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les hommes et les femmes ont mis les beaux boubous. Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous. Les bazins et les bogolans. C'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage.